Le jeudi 12 janvier, ici Dominique Lelièvre et les informations. Des dépenses de cadre de l'éducation en période d'austérité suscitent des questionnements. Le Journal de Québec rapporte que deux doyens de l'Université Laval ont fait des allers-retours Québec-Montréal en limousine à deux reprises aux frais de l'université. Du côté des cégeps, certains directeurs sont souvent tentés par un dîner au restaurant et parfois des tables assez dispendieuses. On dénombre au cégep Garneau une centaine de tels repas depuis un an et demi et une cinquantaine au cégep de Sainte-Foy. Certaines institutions sont toutefois plus raisonnables. Le cégep de Lévis-Lauzon n'a tenu aucune réunion de cadre à l'extérieur du collège sur cette période et le cégep de Limoilou, très peu. Une fuite de gaz dans le secteur de la rue La Faune a forcé l'évacuation de dizaines de personnes en fin d'avant-midi. L'incident s'est produit sur le terrain d'une station-service Eco, alors qu'un déneigeur a accroché un réservoir de 2500 litres de gaz propane. Par mesure préventive, plusieurs commerces, dont un restaurant, ont dû être évacués. La Commission des normes du travail fera enquête au sujet des clients incommodés au parc Bora. Le nouveau parc aquatique du village Vacances Valcartier a dû fermer ses portes de façon prématurée le soir du 5 janvier parce que des dizaines de personnes se sont plaintes de l'air irrespirable. Un filtre à air obstrué pourrait être à l'origine de l'incident. La firme qui a été engagée pour faire le suivi dans ce dossier assure que le problème est réglé et que le système de ventilation dépasse les normes en la matière. Enfin, course à la direction du Parti conservateur, le candidat qui a le plus d'appui au Québec n'est pas québécois, mais saskatchewanais. Quatre députés conservateurs du Québec, dont deux de la région, ont annoncé ce matin qu'ils appuyaient Andrew Scheer, qui est l'ancien président de la Chambre des communes et qui est député de Regina. Monsieur Scheer se positionne ainsi de manière avantageuse dans la province du Québec. Maxime Bernier n'a qu'un seul appui à ce jour et Stephen Blaney n'en a aucun. L'annonce survient à 5 jours du seul débat en français qui sera tenu dans la région de Québec. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. Aujourd'hui, pluie intermittente ou bruine et des nappes de brouillard. Le mercure va atteindre 4 degrés cet après-midi. La pluie cesse ce soir. Ce sera venteux au cours de la nuit. Demain, vendredi, moins 7 degrés. Ce sera froid en fin de semaine, moins 15 degrés samedi, moins 13 degrés dimanche. Présentement à Québec, on a 2 degrés.